Chapitre 4. Il faut prendre l'air, mon enfant, faire un peu d'exercice tout doucement, déclara le lendemain matin Don Sanche en venant voir la jeune fille. Tenez, venez avec votre frère et moi, nous allons vous faire connaître un peu Solepto. Inès se coiffa d'un large chapeau de paille claire, sous lequel son visage paraissait plus délicat encore, et suivit docilement l'excellent homme. Sous l'ardent soleil matinal, la mystérieuse cité du roi des Andes présentait un aspect charmant, avec ses tentes aux gaies couleurs, ses maisonnettes de bois clair entourées de petits jardins, ses voies larges et bien entretenues. Des hommes allaient et venaient. On voyait peu de femmes et la plupart étaient des indiennes. Cependant, Inès et ses compagnons en croisèrent une d'une cinquantaine d'années, vêtue de haillons, et poussant péniblement une brouette lourdement chargée. Ses cheveux noirs, un peu grisonnants, tombaient en mèches autour d'un visage qui gardait des traces de beauté, mais qui était visiblement flétri par la fatigue et les intempéries. Au passage, elle leva vers Inès des yeux mornes, où la jeune fille crut lire une supplication. Vous voyez là une de nos prisonnières les plus sévèrement traitées, dit Don Sanche. Qu'a-t-elle donc fait, seigneur ? Son mari et elle, très riches, occupaient à Lima une situation prépondérante. C'étaient des êtres durs et mauvais, ne songeant qu'au luxe et méprisant les gens dépourvus de fortune ou de hautes relations. En outre, par de louches manœuvres, ils avaient soustrait à des neveux orphelins et pauvres un héritage qui devait légitimement leur revenir et, non contents encore, cherchaient à nuire de toute façon aux pauvres enfants. C'était une belle occasion pour Miguel de prendre en main la cause des opprimés. Un jour, Don Pedro Meguillo fut trouvé mort chez lui et Doña María disparut. Elle avait été conduite ici, où elle fut condamnée à ce que nous pourrions appeler les travaux forcés. Comme dans les premiers temps elle se révoltait, on dut la traiter très rigoureusement. Elle est devenue peu à peu plus raisonnable. Don Miguel s'entend à mater les résistances, je vous prie de le croire. Il est sans pitié, dit Inès avec un geste de révolte, en jetant un coup d'œil en arrière vers la femme qui s'éloignait péniblement, le dos courbé, et en qui on eût pu deviner celle qui avait été la plus élégante et la plus orgueilleuse des seigneurs de Lima. Don Sanche eut un sourire indulgent. Vous avez l'âme très sensible, Doña Inès. Cela vous sied du reste. Moi, voyez-vous, tandis que j'exerçais dans une très grande ville d'Espagne, j'ai été, de la part de mes collègues, victime des pires injustices, j'ai enduré toutes les amertumes. Aussi mon cœur est-il de marbre pour les souffrances de ces êtres mauvais qui ont été impitoyables pour leurs semblables. J'applaudis à tous les jugements du maître auxquels je suis passionnément attaché. Ah, quel être que celui-là ! Pour ces hommes, il est une divinité. Les plus rudes natures, les caractères les plus indomptables, lui obéissent sans même songer à discuter et subissent ce charme, cette séduction irrésistible qui se dégage de son regard, de sa voix, du moindre de ses gestes, de toute sa personne en un mot. Don Sanche, très calme d'ordinaire, s'était animé. Un véritable enthousiasme s'exprimait sur sa physionomie. Et quelle intelligence ! Avec lui, l'association a pris un essor extraordinaire. Je vous parle ouvertement de cela, señorita, et à vous aussi, mon jeune ami, parce que Don Miguel, qui m'honore de sa confiance, a bien voulu m'apprendre que vous n'ignoriez rien. Don Miguel n'a rien à craindre. Jacques et moi savons ce que nous impose la discrétion, dit gravement Inès. Oh, le maître vous connaît bien, dit Don Sanche, dont un sourire malicieux plissa un instant les lèvres. Il a vite fait de pénétrer un caractère. Ah, cette fois, j'en suis sûr, c'est bien vous, monsieur de Salve. Jacques jetait cette exclamation en s'élançant vers un jeune homme qui venait d'apparaître au tournant d'une maisonnette et s'arrêtait brusquement en réprimant un geste de contrariété. Un sourire forcé lui vint aux lèvres. « Vous m'avez reconnu, Jacques ?»« Mais oui, j'en étais déjà presque sûr l'autre jour. Mais comment êtes-vous ici ?»« Je vous raconterai cela plus tard, si vous me présentiez à mademoiselle votre sœur, Jacques. » Très volontiers. Inès, le vicomte de Salves. « J'ai entendu plusieurs fois parler de vous par Jacques, monsieur, » dit Inès en répondant au profond salut du jeune homme. « Mais réellement, aurais-je jamais pu penser que je ferais ici votre connaissance ?»« Tout ce qui vous arrive vous semble un rêve, n'est-ce pas, mademoiselle ? Eh bien, il en est absolument de même pour moi. Il est vrai que je suis un très nouveau sujet du roi des Andes et que je n'ai pas secoué encore toute la stupéfaction qui m'a saisi en arrivant ici. » « Mais pardon, mademoiselle, j'interromps votre promenade. Don Sanche, je vous cherchais de la part du docteur Elbert, mais je vois que vous êtes occupée. » « Ne vous dérangez pas surtout pour nous, Don Sanche, » s'écria Inès. « Allez, où vos affaires vous appellent, nous saurons très bien nous promener seuls. » « D'autant mieux que votre frère connaît déjà le camp. Je vous quitte donc, Donia Inès, en vous souhaitant bonne promenade. » Les deux hommes s'éloignèrent et Jacques entraîna sa sœur en disant « Je vais te montrer les jardins de Don Miguel, Inès. » Ils passèrent à une courte distance de la tente du roi des Andes, complètement isolée des autres et adossée à la falaise rocheuse percée de grottes. Jacques s'engagea dans un sentier couvert de sable fin qui montait doucement jusqu'à un point où il se mit à contourner la falaise en formant corniche. Le frère et la sœur se trouvèrent tout à coup sur une terrasse naturelle, assez étroite, garnie de fleurs et d'arbustes, disposés avec beaucoup de goût. Don Sanche m'a expliqué l'autre jour qu'à cause du froid des nuits à cette haute altitude, on ne pouvait y mettre que des espèces robustes, dit Jacques. Encore est-ce ici une situation privilégiée. Mais là-haut, il y a une serre superbe. Une seconde terrasse s'élevait en effet au-dessus de celle-ci, et quand Inès eut gravi les marches de granit y conduisant, elle vit devant elle une longue serre où s'épanouissaient des roses, des orchidées, de magnifiques clématites. « Oh, Inès, voilà Edmé !» murmura Jacques. Mademoiselle de Blangard était là en effet. Couverte de vieux vêtements, elle bêchait une plate-bande, sous la surveillance d'un grand nègre qui fumait paisiblement sa pipe. Oubliant toutes les méchancetés dont elle avait eu à souffrir de la part de sa cousine, Inès murmura, les larmes aux yeux, « Pauvre Edmé !» La prisonnière venait de les apercevoir. Son teint blêmi se colora d'une rougeur de colère et Inès, qui s'avançait vers elle, reçut en plein visage un regard de fureur haineuse. « Vous venez m'insulter, jouir de mon malheur !» dit Edmé entre ses dents serrées. « Edmé, pouvez-vous penser ?» Le nègre s'avança. « Pardon, signorita, » dit-il poliment. Le maître interdit de parler aux prisonniers. « Mais cette prisonnière est ma cousine, et je suis bien certaine que Don Miguel me permettrait de lui adresser quelques mots. » « Je ne sais pas, signorita, » dit le nègre, évidemment embarrassé. « Tenez, voilà Don Esteban qui passe là-bas. Si vous vouliez lui demander... » Le lieutenant du roi des Andes, voyant la jeune fille faire quelques pas dans sa direction, s'avança avec empressement et répondit aussitôt à la demande d'Inès. « Mais oui, signorita, parlez à votre cousine. Le cabecilla vous donne ici toutes les libertés. » « Jamie, vous pouvez laisser la signorita avec la prisonnière. » Le nègre s'éloigna et Inès se rapprocha d'Edmé qui avait interrompu son travail. Elle fut aussitôt frappée de l'altération des traits de sa cousine, de son teint plombé, de ses yeux entourés d'un grand cercle noirâtre. « Qu'avez-vous, ma pauvre Edmé ? » demanda-t-elle avec un intérêt compatissant. « Ce que j'ai, » dit sourdement Edmé, « j'ai que cet homme, ce monstre sans entrailles, malgré la fièvre qui me dévore, depuis que j'ai eu si froid la nuit, me fait travailler tout le jour sous une surveillance incessante. Et quel travail ! Bêcher en plein soleil, ou bien laver le linge des hommes du camp avec d'autres malheureuses, victimes comme moi de cet être féroce. Je ne peux plus, je sens que je tomberai d'un moment à l'autre. » De fait, Inès comprenait qu'elle ne mentait pas, il lui était loisible de constater qu'elle était réellement malade. « Si je pouvais quelque chose pour vous, Edmé. Mais, hélas, dont Miguel est impitoyable. J'ai essayé l'autre jour, avant votre condamnation, mais j'ai compris aussitôt qu'il n'était accessible à aucune prière. » Edmé eut un ricanement mauvais. « Ah ah, mademoiselle de Brévis, vous croyez que, par la grâce de vos beaux yeux, vous obtiendriez tout de ce chef de brigand, parce qu'il a eu la fantaisie de vous accorder quelques égards. Il faut en rabattre, vous voyez, et je ne désespère pas de vous voir un jour réduite au même sort que moi. » « Vous en seriez donc contente, Edmé ?» dit Inès en plongeant ses yeux graves et tristes dans ceux de sa cousine. « Certes, je ne souhaite que cela !» riposta cyniquement Edmé. « Vous savoir heureuse et paisible, pendant que je pâtis et que je trime, sera toujours pour moi une aggravation de peine. » « Vous êtes une horrible créature !» cria Jacques avec indignation. « Puisqu'il en est ainsi, je vais vous apprendre quelque chose. » Donc Miguel nous rendra la liberté et nous retournerons en France. » Edmé blêmit de fureur. « Ce n'est pas vrai. Jamais il n'est sorti d'ici un prisonnier. Il paraît, en effet, que nous serons les premiers. » Edmé eut une sorte de rire sarcastique. « Il vous a raconté ça, mais allez donc voir quand il y viendra. » Il a voulu faire le généreux vis-à-vis d'Inès, dont il s'est toqué. Mais justement à cause de ça, il ne la laissera pas partir. Et je crois, ma petite, que vous êtes destinée à devenir la reine des Andes, » ajouta-t-elle en ricanant méchamment devant le regard effaré qui se levait vers elle. Inès, dont le teint s'empourprait de pénibles émotions, riposta avec vivacité. « Vous dites des choses ridicules, Edmé. Je veux croire que vous parlez sous l'empire de la fièvre. » « Ne faites pas la naïve, ça ne prendrait pas avec moi. Tenez, pourquoi cette brute de Don Esteban, qui vous a, tout comme les autres, si maltraité l'autre jour, était-il aujourd'hui tout sucre et tout miel? C'est qu'il doit savoir par expérience ce qu'il en coûte de n'avoir pas de nez et de ne pas prévoir les caprices du maître. « Je vous laisse, Edmé, puisque vous persistez à divaguer, » dit froidement Inès. Elle s'éloigna avec son frère, poursuivie par le ricanement d'Edmé. La mauvaise créature, dit Jacques avec colère. Ah, elle n'a bien que ce qu'elle mérite, et Don Miguel a joliment raison de... Jacques, il ne faut pas dire cela. Si, si, si. Et si je rencontrais Don Miguel, je... Eh bien, le voilà, Don Miguel. Que lui voulez-vous ? Les deux jeunes gens, en quittant Edmé, avaient longé la serre et arrivaient à l'extrémité au moment où le roi des Andes en sortait, suivi d'un homme en tenue de jardinier. Inès, encore sous l'empire des paroles de sa cousine, devint pourpre. Don Miguel, qui enlevait son large sombrero pour la saluer, eut dans le regard une brève lueur de surprise et d'émotion, en même temps qu'un pli de contrariété se formait sur son front. « Vous sentez-vous mieux aujourd'hui, mademoiselle ? » s'informa-t-il avec courtoisie. « Beaucoup mieux, monsieur. D'ailleurs, l'air exquis que l'on respire ici doit merveilleusement t'aider à la guérison. Certes, il est rare du reste que nous ayons des malades. Vous aviez quelque chose à me dire, monsieur Jacques ? » ?»« Oh, rien de sérieux. Je plaisantais et Inès m'en voudrait trop si je racontais... » les méchancetés que votre cousine lui a servies, acheva Don Miguel. Le regard stupéfait et confus d'Inès se leva vers lui. « Quoi, avez-vous entendu ?»« Non, pas entendu, mais vu de loin et compris que cette mauvaise créature cherchait à vous faire souffrir en réponse à votre bonté. Mais elle aura sa punition. » « Comment, moi qui voulais vous demander, au contraire, de la traiter moins sévèrement, « tant qu'elle sera malade surtout !» s'écria Inès d'un ton désolé. Les sourcils sombres se froncèrent. « Me demandez cela pour cette misérable qui vous déteste ? Doña Inès, votre bonté vous égare !»« Mais elle est malade !» murmura Inès d'un ton suppliant, sans oser le regarder, car elle craignait de le voir irrité comme la veille. « Et je lui pardonne, je vous assure !» « D'ailleurs, elle a été si mal élevée. Pas de religion, pas de principe, l'exemple et les conseils de son père. Don Miguel, ayez un peu de miséricorde. »« Vous pouvez me regarder, Donia Inès, je ne suis pas en colère. » Elle leva les yeux et le vit qui souriait avec une ironie légère et amusée, tandis qu'un peu d'émotion adoucissait son regard. « Puisque vous ne goûtez pas le plaisir de la vengeance, mademoiselle. » « La vengeance, oh l'affreux mot et l'affreuse chose pour une chrétienne. » Elle est une des bases de l'organisation des Frères de la Justice. Je ne suis pas croyant, pas plus que ne l'étaient mon père et mon aïeul, mais je respecte les convictions d'autrui. C'est vous dire, mademoiselle, que je ne discute pas vos idées sur la vengeance et que je les admire même, car il doit être dur souvent de pardonner. Quelquefois, peut-être, mais je crois que la douceur l'emporte encore sur l'effort à faire sur soi-même. Pourquoi n'essayeriez-vous pas, monsieur ? Moi, je n'ai pas d'ennemi personnel, mademoiselle. J'ai toujours été entourée de dévouements passionnés et d'admirations enthousiastes. Je n'ai jamais connu la trahison ni l'injustice. Dans l'œuvre que j'ai continuée après mon aïeul et mon père, j'agis donc en toute impartialité, puisque personnellement, je n'ai rien à reprocher à la société qui m'a toujours comblé de ses faveurs quand je me suis trouvé en rapport avec elle. Ce que je le fais par pur esprit de justice, par compassion pour tant de pauvres êtres qu'accable la méchanceté de leurs semblables. Mon seul but est d'amener sur la terre le règne de la justice et du droit. » Inès fut frappée de l'accent grave et convaincu de sa voix, de la loyauté du regard qui s'attachait sur elle. Cet homme était sincère, elle en était sûre. C'est un but superbe, mais pour cela, il faudrait transformer toute la nature humaine, faire disparaître ses instincts mauvais, son orgueil, son appétit, ses ambitions. Pensez donc, monsieur, à quels obstacles se heurte le christianisme dans sa réforme des âmes. Comment un homme pourrait-il réussir là où Dieu, respectant la liberté des âmes, a tant de peine à faire pratiquer sa loi pleine et entière par un petit nombre d'entre elles? C'est que, précisément, il faut enlever aux hommes leur libre arbitre dont ils ne savent pas faire usage et les obliger par tous les moyens à être bons. Ce qui paraîtrait irréductible devrait être supprimé par la mort. Mais, monsieur, vous feriez ainsi des esclaves, des êtres sans volonté et sans responsabilité, ou bien encore des hypocrites. » Machinalement, Don Miguel se mit à pétrir entre ses doigts une rose qu'il tenait à la main. « C'est possible, mais je trouve que l'expérience vaut la peine d'être tentée. Voyons, n'est-il pas épouvantable de voir la monstrueuse somme d'injustices et de crimes qui se comptent chaque jour sur la terre ?»« Oh, certes, oui. Mais nous autres chrétiens avons la certitude que la vraie, la seule justice digne de ce nom, se trouve au-delà de ce monde et qu'il n'y aura rien de si caché, de si secret, qui ne soit expié à l'heure du jugement. C'est pour cela que nous sommes patients, que nous essayons de pardonner le mieux possible, d'autant plus que nous nous savons nous-mêmes coupables de bien des fautes et qu'il ne nous convient pas de jeter la pierre à autrui. » Comment, Doña Inès? « Moi qui vous croyais parfaite, » dit-il en souriant, « je pense que votre humilité vous entraîne trop loin en ce moment. Voyons, pour en revenir à votre demande de tout à l'heure, je veux bien, puisque vous semblez le désirer si fortement, faire diminuer la somme de travail imposée à votre cousine, tant qu'elle sera malade du moins. » « Oh, merci !» dit Inès avec un regard reconnaissant. « Mais savez-vous ce qui va arriver, mademoiselle ? Naturellement, je ferai savoir à la prisonnière qu'elle ne doit cet adoucissement qu'à votre seule intervention. Eh bien, elle vous en détestera encore davantage. » C'est bien possible, dit tristement Inès. Et vous voulez quand même? Mais oui, parce que c'est mon devoir, répondit Inès avec une grave simplicité. Don Miguel l'enveloppa d'un regard rapide, où passait une lueur d'admiration émue. Puis, se détournant un peu vers l'entrée de la serre, « Voulez-vous me permettre de vous faire les honneurs de mes fleurs ?» dit-il avec une grâce courtoise. Ce fut avec le plus vif intérêt qu'Inès et Jacques visitèrent cette serre, installée avec les derniers perfectionnements, remplie de fleurs des espèces les plus belles et les plus rares, qui faisait jeter à Inès des exclamations admiratives. « Mais vous avez donc toutes les ressources possibles ici, monsieur ?» dit-elle avec surprise à Don Miguel, qui semblait se complaire à prolonger la visite. « J'en ai beaucoup, en effet, mademoiselle. Songez que je possède des hommes appartenant à tous les corps de métier. J'ai également 4 architectes, dont un véritable artiste, méconnu et à brevet d'amertume autrefois, et 5 ingénieurs. Avez-vous montré à Doña Inès, monsieur Jacques, le moyen par lequel on arrive à Solepto ? Non, monsieur, pas encore. Si vous n'étiez pas fatiguée, mademoiselle, je pourrais vous faire voir cela. » Inès se sentait encore en disposition de marcher et accepta l'offre qui lui était faite. Elle sortit de la serre les mains pleines de roses, cueillies pour elle par Don Miguel. Celui-ci, tout en redescendant vers le camp, nommait à ses hôtes les pics neigeux qui s'élevaient à l'horizon. « Les volcans sont éteints par ici ?» interrogea Jacques. Le jeune homme eut un sourire mystérieux. « On le croit, mais ils dorment seulement. »« Comment savez-vous ?»« Parce que j'ai entendu l'un d'eux, celui auquel s'adosse Solepto, gronder sourdement un jour. »« Vous l'avez entendu d'ici ?»« Non, pas d'ici, » répondit laconiquement Don Miguel. Jacques n'osa pas interroger davantage. Du reste, ils arrivaient au centre du camp. Tous les hommes, sur le passage du jeune Cabecilla, quittaient leurs occupations et se tenaient immobiles en exécutant le salut militaire. Don Miguel les regardait au passage, et Inès fut frappée, comme elle ne l'avait jamais été, de la puissance de domination et du charme fascinant s'échappant de ce regard. À l'attitude de ces hommes, l'expression de leur physionomie, elle comprit que Don Sanche avait dit vrai en affirmant qu'il considérait leur chef comme une divinité. « Voici ce que je voulais vous montrer, mademoiselle, » dit Don Miguel. Ils étaient arrivés devant une sorte de gouffre. Inès se pencha un peu et eut un mouvement d'effroi à la vue de l'abîme sombre qui semblait insondable. « Sonnez, Mathieu, » dit Don Miguel à un homme qui venait de paraître au seuil d'une maisonnette bâtie près de là. L'homme disparut à l'intérieur et Don Miguel se mit en devoir d'expliquer à Inès que, jadis, un sentier accessible seul à d'intrépides grimpeurs donnait accès au plateau de Solepto. Lui, 8 ans auparavant, avait découvert que ce gouffre conduisait, par une route secondaire naturelle, jusqu'à un point de la montagne facilement accessible, y avait fait établir un ascenseur puissant destiné à monter hommes, chevaux, provisions. Puis, pour rendre Solepto complètement imprenable, il avait fait sauter à la dynamite le sentier. Aujourd'hui, l'ascenseur est en bas parce que nous attendons quelques hommes partis depuis 8 jours en expédition. Mais j'ai donné l'ordre de le faire remonter pour que vous puissiez vous rendre compte. » L'ascenseur apparut bientôt. Il était mu par l'électricité et parut à Inès remarquablement agencé. « C'est par là que nous sommes arrivés ? » interrogea-t-elle. « Oui, mademoiselle, et c'est par là que vous partirez. » « Quand cela, monsieur ?»« Dans 1 8aine de jours, je l'espère. » »« Voilà un mot bien peu poli, » ajouta-t-il avec un sourire un peu sarcastique. « Mais je comprends trop bien que vous ne vous considériez ici que comme une prisonnière et que vous ne voyez en moi qu'un geôlier. » »« En tout cas, je n'oublierai jamais les égards dont j'ai été entourée, » dit-elle vivement, « et je vous assure que je n'ai pas du tout l'impression d'être prisonnière. » « Voilà une parole qui m'est douce, mademoiselle, et dont je me souviendrai toujours. Non, vous n'êtes pas prisonnière, et vous ne l'auriez pas été un seul instant si j'avais su qui était cette jeune cousine des Blangard dont mes émissaires m'avaient parlé assez vaguement. Je me serais arrangé pour vous éloigner, ainsi que votre frère, avant l'attaque et vous faire ramener en France. Cela aurait mieux valu de toute façon. » Inès, un peu surprise de l'accent singulier dont il prononçait ces mots, le regarda. Mais il détournait les yeux, tout en passant lentement la main sur son front, où se creusait un grand pli. « Je vous laisse maintenant, » reprit-il aussitôt. « Si vous voulez voir demain un endroit superbe, je vous engage à demander à Don Sanche de vous conduire vers la cascade qui alimente notre usine d'électricité. Vous contemplerez quelque chose qui ne le cède en rien à nos sites d'Europe les plus fameux. » Il salua la jeune fille et s'éloigna. « Maintenant, Jacques, je voudrais bien voir le bon monsieur Hamlet et ce brave Bille, si c'est possible, » dit Inès. « Bien sûr que c'est possible, puisque je les ai vus hier. Ils sont libres comme nous. Seulement, ils ne sortiront pas d'ici, eux. Bah, qui sait, Don Miguel se laissera peut-être fléchir. » Non, car il craindrait naturellement de voir son secret divulgué. Déjà, je trouve extraordinaire que, pour nous, il dérange ainsi à ses habitudes. C'est que nous lui inspirons une confiance sans limite, ma petite Inès, riposta gaiement Jacques. Mais ce qu'il me plaît, ce roi des Andes, et habille donc, tu vas l'entendre tout à l'heure. Tiens, le voilà, et monsieur Hamlet est derrière lui. Bille avait aussi aperçu les deux jeunes gens et il accourait de toute la vitesse de ses longues jambes. « Bonjour, mademoiselle Inès. Vous savez, si je ne vous avais pas rencontré, j'aurais été vous faire visite aujourd'hui. Je pense bien que le chef aurait permis ça. »« Certainement, puisque vous êtes libre dans le camp et nous aussi. »« Eh bien, que dites-vous de votre aventure, monsieur Bille ?» Je dis, mademoiselle, que ce serait fameusement chouette à mettre dans un livre, cette histoire-là. Avez-vous idée de quelque chose comme ça, d'un camp de brigands pareil ? Mais non, ce ne sont pas des brigands, c'est impossible. Et le chef est un homme. Ah, quel homme ! Rien qu'en regardant les gens, il les prend. Je ne suis pourtant pas facile à conduire, mademoiselle Inès. J'ai le caractère très indépendant. Mais je sens que ce Don Miguel me ferait faire tout ce qu'il voudrait. C'est vrai, dit Jacques, j'éprouve la même impression. Il y a là un pouvoir terrible, murmura pensivement Inès. S'il était mauvais, un pareil don serait effrayant. Heureusement, je le crois loyal et honnête, au fond, en dépit de son étrange manière de réformer la société. Et vous, mademoiselle, ça va mieux ? Interrogea Bille avec intérêt. Bien mieux, merci. J'ai été si bien soignée. Comme une princesse, pardi, dit Bille en riant. Vous méritez bien ça après tout l'ennui que vos canailles de parents vous avaient donné. J'ai rencontré ce matin vos cousins qu'on menait travailler. Ah, ils n'étaient pas frais, vous savez. Le citoyen Maxence a reçu hier une bonne correction. Ça l'a calmé du coup. Ce roi des Andes s'entend à faire marcher les gens. Il y a ici une fameuse discipline. Mais pas de tracasserie avec ça et une certaine somme de liberté. Et puis, une nourriture très chouette, des cigares à volonté, la permission d'organiser de petits divertissements. Enfin, les gens d'ici se disent très heureux. « Vous êtes déjà joliment renseigné, Bille, » dit Jacques en riant. « C'est que j'ai trouvé un Parisien, monsieur Jacques, qui m'a donné des tuyaux sur tout. Un gentil garçon qui est de Ménilmontant. Ça nous a fait plaisir à tous les deux, nous avons caqueté comme deux vieilles pipelettes. » Ceux qui l'aiment sont Don Miguel, celui-là. C'était pourtant un socialiste comme moi. Mais il n'y croit plus, comme moi aussi. Est-ce vrai ? Demanda Inès. Très vrai. Les dirigeants, c'est des gens dans le genre de Blangard qui rabâchent des belles phrases et nous mangent pendant ce temps-là la laine sur le dos. Les dirigés, c'est des imbéciles ou des vauriens. Alors quoi ? J'ai pas envie d'être dans les uns ou dans les autres. Hein ? « Qu'en dites-vous, monsieur Hamlet ?» Le géologue arrivait à tout petit pas, le nez dans son carnet de notes. À l'interpellation de Bille, il redressa brusquement la tête et aperçut alors le frère et la sœur. « Ah, mes bons enfants, je ne vous voyais pas. Comment allez-vous ? Quelle belle rose vous avez là, mademoiselle Inès !» Le bon savant avait un faible pour les fleurs et dans son austère cabinet de travail de la rue de l'Université, sa sœur avait toujours coutume de mettre chaque jour un petit bouquet dont il aimait à aspirer de temps à autre le parfum. « Matin, oui, les belles roses !» dit Bille. « Il est joliment aimable, le roi des Andes. Voilà un chic brigand au moins. Et il a des manières, donc. On voit bien que c'est quelqu'un de la haute. » Le voilà reparti, chuchota Jacques à l'oreille de sa sœur. Don Miguel l'a complètement séduit et en fera maintenant ce qu'il voudra. C'est un bon garçon, dit M. Hamlet qui l'avait entendu. Il est très gentil pour moi et je suis content qu'il reste ici. Peut-être arriverez-vous à obtenir de Don Miguel votre liberté, Monsieur Hamlet, dit Jacques. Le savant secoua la tête. J'en doute, mais je m'y ferai facilement. Et vous ? Demanda Inès Habille, qui s'amusait à chasser de petits cailloux avec une badine qu'il tenait à la main. Moi, mademoiselle, eh bien vrai, je crois que dans quelques jours, je serai si bien habituée ici que je supplierai Don Miguel de me garder s'il lui prenait fantaisie de m'envoyer promener. Alors, il serait inutile de chercher, si j'en trouvais l'occasion, à obtenir de lui pour vous le même traitement que pour nous. Pour moi, oui, mademoiselle. Quant à Monsieur Hamlet, je ne sais pas. À cause de ma sœur, je ne refuserai pas, dit le savant après une légère hésitation. Mais je demanderai la permission de rester quelque temps encore pour étudier de curieuses formations géologiques du côté de la cascade. Eh bien, Don Miguel ne se plaindra pas d'avoir en vous des prisonniers pressés de le quitter, dit Inès en riant. Peut-être Jacques est-il du même avis, lui qui est aussi un admirateur du roi des Andes. Mais oui, je ne suis pas pressé de m'en aller. Nous sommes choyés ici, rien ne nous manque, l'air est délicieux, la vue magnifique. Pourquoi ne demanderions-nous pas à Don Miguel, Inès, de nous garder à Solepto ? Tu dis des folies, mon pauvre Jacques, répondit-elle en levant les épaules. Pour moi, j'ai hâte d'être hors d'ici. Oh, pourquoi ? Dit Jacques en ouvrant des yeux surpris. Personne ne nous attend là-bas, et ici, tu es traitée comme une petite reine, tu es soignée comme un objet précieux par cette bonne Alonça. Elle l'interrompit en adressant à M. Hamlet une question sur ses travaux. Mais quand elle se trouva seule, elle se demanda avec perplexité pourquoi vraiment elle avait tant hâte de quitter Solepto et pourquoi cette hâte se doublait d'une tristesse étrange qui pénétrait son cœur d'une sorte d'angoisse. Cette nuit-là, il tomba une pluie torrentielle et quand Inès et Jacques sortirent, ils trouvèrent la température considérablement rafraîchie malgré le soleil qui brillait de nouveau. « Allons-nous quand même à la cascade, Inès ?» demanda Jacques. « Certainement, cela nous réchauffera. »« Tiens, on dirait qu'il est arrivé de nouveaux prisonniers. Regarde donc, Inès. » Un homme et une femme s'avançaient, encadrés par des partisans en armes. L'homme, qui paraissait avoir une cinquantaine d'années, était grand, fort, de mine dure et hautaine. La femme, jeune, mince, élégamment vêtue, devait être fort jolie lorsque la fureur et l'inquiétude ne crispaient pas, comme en ce moment, son visage encadré d'une chevelure brune en désordre. « C'est un haut fonctionnaire de la République chilienne, » expliqua M. de Salve, que les jeunes gens rencontrèrent peu après et qu'ils interrogèrent. Il pressurait odieusement ses administrés et donnait le plus déplorable exemple. Sa femme ne valait pas mieux que lui, elle l'excitait même à faire trafic de tout dans son administration. Les plaintes des victimes, étouffées par la crainte, sont venues jusqu'à Don Miguel. Ces jours-ci, il a fait enlever dans leur hacienda le mari et la femme. Don Enrique va être jugé et probablement condamné à mort. La belle Doña Luz ira rejoindre Mademoiselle de Blangard et apprendre à manier la bêche de ses mains blanches qui ne servaient qu'à la parer. Le roi des Andes a une justice expéditive, dit Inès avec un léger frisson. Il supprime les gens avec une désinvolture. Oui, il est parfois terriblement sévère, murmura Gaston de Salve en baissant un peu la voix et en jetant autour de lui un regard craintif. Et puis, cette surveillance perpétuelle, invisible, que l'on sait exister autour de soi. Voilà ce que je ne puis admettre. C'est de l'espionnage, cela. Chut, pas si haut, murmura M. de Salve avec effroi. Il est si extraordinairement renseigné. Et il ne supporte jamais la moindre réflexion sur sa manière d'agir. Quand le jeune homme se fut éloigné, Inès et Jacques continuèrent leur route. Ils sortirent du camp et s'engagèrent dans un large sentier creusé dans le roc. Devant eux s'avançaient deux hommes qui causaient bruyamment en langue allemande. Ils semblaient être quelque peu en état d'ébriété, et avec leurs longues barbes blondasses, leurs gestes brusques, leurs vêtements mal tenus, ils offraient un aspect peu rassurant. « Ceux-là ont passablement l'air de bandits !» souffla Jacques à l'oreille de sa sœur. Les hommes entendirent-ils, ou bien remarquèrent-ils le mouvement de recul qu'Inès n'avait pu retenir à leur vue ? Toujours est-il qu'ils se mirent à ricaner, en prononçant quelques mots dans leur langue et en prenant une attitude menaçante. L'un d'eux saisit le bras d'Inès et le secoua violemment, tandis que l'autre se campait devant Jacques en disant en mauvais espagnol « Eh, le petit français, qu'est-ce que vous racontiez de nous ?»« Cela ne vous regarde pas, et vous, laissez ma sœur !» cria Jacques avec véhémence. Joignant le geste à la parole, il voulut saisir le bras qui tenait Inès. Mais l'autre Allemand l'envoya rouler à terre. Quelqu'un bondit tout à coup sur la corniche étroite qui surplombait le sentier, puis dans le sentier lui-même. Une détonation se fit entendre et l'agresseur roula sur le sol, la cervelle fracassée. Déjà, le canon du revolver de Don Miguel, car c'était le roi des Andes qui surgissait si inopinément, se tournait vers l'autre Allemand, tout à coup figé au sol. Mais Inès s'élança vers le jeune homme, elle lui saisit le bras en s'écriant « Non, non, c'est assez, c'est trop !» La balle partit, mais le mouvement imprimé par la main d'Inès en avait changé la direction et elle alla frapper le roc au-dessus de la tête de l'homme. « Laissez-moi faire justice de ce misérable, mademoiselle !» s'écria Don Miguel, qui semblait en proie à une irritation effrayante. « Non, non, Don Miguel, je vous en prie, la mort pour cela, il n'avait pas la raison d'ailleurs. » « Double faute en ce cas, je punis rigoureusement l'ivrognerie. » « Eh bien, vous le punirez, mais n'allez pas le tuer pour cela, c'est déjà trop d'un. » « Regardez pourtant ce qu'il a fait à votre frère. » Jacques se relevait, montrant à son front une entaille d'où le sang coulait. « Oh, ce ne sera rien du tout, » dit le jeune garçon. « Franchement, cela ne mérite pas le sort que vous voulez infliger à cet individu. »« Oh non, Don Miguel, dites vite que vous pardonnez !» Les yeux sombres s'adoucissaient sous le doux regard suppliant. Un léger sourire vint aux lèvres de Don Miguel. « Oh oh, pardonnez, c'est trop me demander, Doña Inès. » « Je veux bien, pour ne pas vous attrister, faire grâce de la vie à ce coquin. Mais quant à supprimer toute punition, c'est impossible. D'ailleurs, ces deux-là étaient les plus mauvaises têtes de la troupe et j'ai déjà dû plusieurs fois sévir contre eux. » Il se tourna vers l'homme et prononça quelques mots en allemand. Le coupable, qui était devenu verdâtre et tremblait de tous ses membres, baissa la tête comme s'il ne pouvait supporter l'éclair menaçant qui s'échappait des yeux du maître et s'éloigna dans la direction du camp. Don Miguel voulut bander lui-même le front de Jacques, puis voyant Inès toute pâle et frissonnante, car la réaction s'opérait maintenant, il l'obligea à accepter l'appui de son bras pour regagner le camp. Quand le récit de l'agression se répandit parmi les hommes du roi des Andes, il y eut une surprise qui se traduisit chez tous par une exclamation dans le genre de celle que laissa échapper Bigonnet, le Parisien dont avait parlé Bille. « Ben, fallait qu'ils aient un fier plumé pour s'attaquer à des prisonniers de ce calibre-là, que le maître soigne comme la prunelle de ses yeux. Hermann va savoir ce qu'il en coûte. » Après avoir remis Inès et Jacques au bon soin d'Alonso, Don Miguel avait fait prévenir son médecin. Celui-ci trouva Inès reprise de la fièvre et prescrivit aussitôt le repos absolu. « Après une bonne nuit, ce sera passé, » ajouta-t-il d'un ton encourageant. « Oh, je ne pourrai pas dormir. Je reverrai sans cesse cet homme, ce malheureux qui l'a tué si facilement, sans motif réellement grave, » dit Inès en frissonnant. « Comment, sans motif? Ces coquins vous attaquaient, ils ont blessé votre frère. »« Mais il faut penser qu'ils n'avaient pas leur raison. » Ignorez-vous, signorita, que l'ivresse, après une troisième récidive, comme c'est le cas ici, est punie de mort ? Mais vous êtes effrayant ! Ce vice peut être guéri par d'autres moyens sans en arriver à celui-là. Oui, c'est possible. Allons, ne pensez plus à tout cela et essayez de vous reposer, Doña Inès. En quittant sa malade, le médecin se rendit chez Don Miguel qu'il avait fait mander. Il trouva le roi des Andes occupé à donner des instructions à Joaquino et à Diego, les deux frères, ses serviteurs fidèles entre tous, passionnément dévoués. Eh bien, comment va cette pauvre enfant, Don Sanche ? Demanda-t-il en congédiant du geste les deux hommes. Cette aventure lui a occasionné une petite rechute, seigneur, mais ce ne sera rien, je l'espère. Elle paraît avoir été surtout péniblement frappée par l'exécution si expéditive de cet homme. Les sourcils de Don Miguel se contractèrent un peu. Si j'avais eu le temps de réfléchir, je ne l'aurais pas tué devant elle. Veillez à ce qu'elle n'ait pas connaissance du châtiment que je vais faire infliger à l'autre. Elle est tellement sensible et charitable qu'elle s'en tourmenterait encore. Puis, elle me demanderait sa grâce. Et vraiment, ce serait une faiblesse insigne de ma part. Des exemples de ce genre sont absolument indispensables pour les autres. Il est difficile de refuser quelque chose à Doña Inès, dit Don Sanche avec un léger sourire. Les traits de Don Miguel eurent une brève contraction. « C'est stupide » murmura-t-il entre ses dents. Il se leva, fit quelques pas à travers la tente, puis revint vers le médecin qui le regardait avec une évidente surprise. « Je vais m'absenter pour quelques jours. Vous aurez tous les soins possibles pour Mademoiselle de Brévise et son frère. Vous ferez l'impossible pour leur procurer ce qui pourra leur être agréable. » À mon retour, je pense que tout sera organisé afin que je puisse leur faire quitter Solepto. Je ne croyais pas que vous auriez tant de hâte, seigneur, dit Don Sanche qui paraissait réellement stupéfait. Don Miguel riposta avec une sorte de violence. Si, j'ai hâte de les voir loin d'ici, loin de moi. Vous êtes pour moi un ami fidèle et discret, Don Sanche. Je n'ai pas à vous cacher que cette jeune fille a fait sur moi la plus profonde impression. Déjà, après l'avoir vue à Paris, seulement pendant quelques instants, je n'avais pu oublier le charme délicieux de cette physionomie, la lumière et la candeur de ce regard. En la revoyant ici ma prisonnière, attachée au poteau et semblable ainsi à une jeune martyre, je ressentis une violente commotion au cœur. Et depuis, cet amour grandit chaque jour en voyant sa grâce, sa bonté exquise, sa délicatesse d'âme. Mon cœur était demeuré fermé jusqu'ici, mais elle y est entrée en souveraine. Et c'est pourquoi, ne pouvant donner suite à un tel rêve, je veux l'éloigner le plus tôt possible afin de l'oublier. Mais qui vous empêche, seigneur, de lui offrir votre nom ? Don Miguel eut un rire sarcastique. Lui demander d'épouser un chef de brigand, car elle ne me considère pas autrement, sans doute. Oh, seigneur, vous n'auriez qu'à lui montrer le noble but que vous poursuivez. Elle le connaît, mais j'ai compris que jamais elle n'admettrait les moyens que je prends pour y atteindre. Cependant, dans le monde, le comte de la Roche-Gléon est un homme honoré et estimé entre tous. Le comte de la Roche-Gléon, oui. Mais le roi des Andes est un hors-la-loi. Admettez qu'une cause quelconque, une trahison par exemple, fasse connaître la vérité. Comment une jeune personne, élevée dans les idées de Mademoiselle de Brévise, supporterait-elle la position qui serait alors celle de son mari ? Non, Don Sanche, une pareille question n'est pas discutable, et pour l'amour même que je lui porte, je ne voudrais pas que Doña Inès devienne ma femme dans de semblables conditions. Don Sanche enveloppa d'un regard d'enthousiaste admiration le beau visage pâli où se lisait à la fois une tristesse immense et une indomptable résolution. « Vous êtes héroïque, seigneur. »« Non, je l'aime simplement beaucoup plus que moi-même et je ne voudrais jamais qu'elle souffrît par moi. Du reste, vous pouvez être certain qu'en admettant que je fusse assez fou pour lui adresser une demande en mariage, je recevrais un refus formel. » « Oh, cela ? Vous n'ignorez pas, seigneur, de quel charme dame nature vous a doué. De plus, Doña Inès, par suite de l'excellente administration de son tuteur, va se trouver presque pauvre. Un tel mariage serait pour elle... » Don Miguel l'interrompit d'un geste irrité. « Taisez-vous, Don Sanche, j'estime trop Mademoiselle de Brévis pour penser un seul instant que de telles considérations puissent l'empêcher d'accomplir son devoir. Or, elle devrait refuser, d'autant plus qu'elle est une chrétienne fervente et moi un incroyant, situation qui met un obstacle de plus entre nous. Voyons, c'est assez sur ce sujet. Vous pouvez vous retirer, Don Sanche. Je vais maintenant donner mes instructions à Don Esteban. » Quel homme ! Songea le médecin en s'éloignant. Je me doutais bien qu'il avait quelques sentiments pour elle, mais cela paraît plus grave que je ne le pensais. Et il a l'air de souffrir. Quoi qu'il en dise, la jeune personne serait peut-être ravie. Elle ferait là un rêve féerique. Mais elle paraît si sérieuse et si simple, cette petite. Une bien charmante nature. Don Miguel n'aurait pu trouver mieux. Il aurait été heureux avec elle. Notre cabecille a bien aimé. Pourvu encore qu'il ne souffre pas trop longtemps.